Lennart. Plus de 60 romans, plus de 200 nouvelles, plus de 80 adaptations télévisuelles, plus de 350 millions de livres vendus dans le monde, une fortune estimée à plus de 145 millions d'euros. Plus, Stephen King porte bien son nom. Roi des ventes, roi de la pop culture, roi de l'imaginaire, il règne depuis plus de 45 ans sur la littérature mondiale. Considéré, à tort ou pas tout à fait à raison, comme le maître de l'épouvante, les journalistes aiment bien les stéréotypes, Stephen King est bien plus qu'un gros vendeur de best-sellers qui font peur. Pour une fois, le nombre de ventes est proportionnel au talent, et sous les créatures monstrueuses se dessine une voix singulière de la littérature américaine. Singulière et très forte. Comme personne, Stephen King dresse le portrait de l'Amérique moyenne dont il se fait le porte-voix. Que ce soit dans ses romans ou dans ses nouvelles, il déploie un regard presque sociologique sur les personnages qu'il met en scène. Il y a également la manière dont il parle de l'enfance, la manière dont il éraille la société, le rêve américain, bref, beaucoup d'autres entrées dans l'univers de Stephen King que la peur, moteur et artifice qu'il maîtrise à la perfection, avouons-le. Nous sommes quand même un certain nombre à ne plus jamais avoir vu les clowns de la même manière après avoir lu ça. Pour parler de l'un des plus brillants et plus prolifiques auteurs américains contemporains, personne n'est mieux placé qu'Emily, la fondatrice et présidente de Stephen King France. Bonjour Émilie. Bonjour Tara. Alors tu es donc, présente-toi en quelques mots, ça m'évitera de dire des bêtises. Moi je suis donc Émilie, on me connaît sur les réseaux sociaux sous le nom Stephen King France, où en fait je gère la communauté Stephen King France sur Twitter, Facebook, Instagram, et j'ai un site aussi stephenkingfrance.fr depuis à peu près 10 ans, et puisque là on est en podcast, peut-être que les personnes qui écoutent connaissent aussi La Gazette du Maine et Le Roi Stephen, qui sont deux podcasts sur Stephen King, donc l'auteur américain, n'est-ce pas? Un dont je m'occupe toute seule et un dans lequel je participe avec 5 autres personnes. D'accord, en podcast gros. Dont je mettrai les liens d'ailleurs dans la description de l'épisode. Très bien. Bien sûr. Donc avant un petit peu de parler de Stephen King et de ton rapport à lui, déjà comment est-ce que tu as eu envie de créer Stephen King France? Quelle est un peu la genèse? Parce que Stephen King, c'est quand même pas l'écrivain le plus confidentiel au monde, donc c'est un projet d'une grande ampleur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce Stephen King France? Alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un projet de grande ampleur. J'ai vraiment fait ça, j'ai un souvenir très clair. J'ai commencé à lire King vers 11-12 ans. Et en fait, à l'époque, on avait des fils Yahoo, des fils de mail avec quelques infos. Et il y avait déjà un site qui existait, qui était le site du Club Stephen King, et où en fait, je me rendais compte, moi, en cherchant des infos sur cet auteur que j'adorais lire, que tout n'était pas traduit. Et en fait, j'étais en train de faire des études de communication. On nous avait montré, on parle vraiment d'il y a 10 ans, hein, Twitter venait d'arriver. On nous a montré en cours ce qu'était Twitter, comment faire un compte Twitter, pourquoi on pourrait faire un compte Twitter. Et je me suis dit, en fait, déjà, c'est extrêmement frustrant de se dire que quand on parle pas anglais, en plus, moi, je viens d'une famille qui parle pas anglais, on n'a pas accès à toute l'information. Et en plus, les outils de communication, j'aime bien ça, je maîtrise un petit peu. Donc, il y a 10 ans, avril 2011, j'ai créé un fil Twitter qui s'appelle Stephen King France, en accord avec le Club Stephen King, où je traduisais un peu les informations que lui ne publiait pas. Les choses ont évolué un peu malgré moi, elles m'ont échappé. Et aujourd'hui, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais voilà, il y a beaucoup de monde, et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a toujours du monde pour pouvoir en discuter, quoi. Oui, c'est une grosse communauté. Et puis, les réseaux se développant, tu es aussi présente, donc tu le disais, sur Insta, sur Facebook. Ouais, tu es multi-réseaux sociaux maintenant. Oui, parce que je me suis rendu compte que, en fait, tout le monde n'était pas sur Twitter. Surtout, il y a encore quelques années, Twitter, c'était confidentiel, mais très technique, très leader d'opinion, très professionnel. Donc, je me disais, il y a peut-être toute une partie de la population qui est plutôt ou sur Facebook ou sur Insta et qui manque aussi l'info. Donc, j'ai pris le temps aussi de dupliquer les contenus. Hein. Au final, on retrouve la même chose un peu sur les trois réseaux. L'idée, c'est de pouvoir, peu importe le réseau qu'on aime, on retrouve l'information sur les trois, quoi. Et comment est-ce que tu gères les infos? Tu dis que tu pioches un petit peu par rapport aux actus et aux infos en anglais qui circulent. Est-ce que tu traduis et transmets toutes les infos ou est-ce que tu opères une sélection? J'ai tendance à tout. C'est marrant parce que je me suis posé la question récemment parce que j'ai un peu moins de temps en ce moment. C'est la rentrée pour tout le monde, c'est un peu compliqué. Il y a des infos, ça commence à me gonfler de les traduire, mais je les traduis parce que, je les traduis en une fois où je fais un dossier genre toutes les deux semaines, c'est tout ce qui est produits dérivés. Parce que là, genre, j'ai appris cet après-midi qu'il y a NECA qui fait une énième figurine à l'effigie de Gripsou. C'est un enfer, je n'en peux plus. Donc, c'est impossible de les différencier les unes des autres. Et ça reste un produit dérivé de son adaptation. Et je sais que j'ai des collectionneurs et collectionneuses et je trouve intéressant de pouvoir filer l'info, mais prendre une demi-heure pour faire une news et la publier sur les réseaux sociaux, ça vaut plus le coup. Donc, il y a des choses comme ça où soit je les mets de côté, je les rassemble dans un dossier. Il y a des choses aussi que je vais estimer pas essentielles et je vois que le club Stephen King en a parlé. Je me dis, j'ai pas besoin de faire un doublon sur cette info. C'est pas nécessaire que ce soit forcément sur mon site. Mmh. Après, honnêtement, il y a quand même tout ce qui est ce qu'il écrit, ce qu'il dit et ce qui se passe autour de ses adaptations. Je les publie et en général, je trouve l'info. C'est assez facile. Il y a 3-4 sites américains qui ont tendance à avoir des exclus. T'as Entertainment Weekly, Bloody Disgusting, Dread Central et Variety, qui ont souvent D'accord. des exclus. Donc, il suffit de suivre le nom Stephen King sur ces sites-là et puis ça te remonte directement, quoi. Oui, c'est un petit boulot de veille aussi, en fait, qui se coordonne. Oui. Voilà, il y a vraiment un côté gestion des réseaux sociaux, veille et choix dans ce que tu transmets aux différents fans qui vont avoir... Comme c'est un empire, ouais. un empire king, oui, préférer les livres, les adaptations, les produits dérivés, etc. etc. Ça. Donc il y en a ouais, vraiment. Il faut réussir. Il faut réussir à parler à tout le monde. Oui, et vu que eux ils sont à fond aussi, il y a des choses que je peux louper et qu'on m'envoie. Du coup, notamment sur les produits dérivés ou un nouveau nom pour une adaptation, mais c'est pas un nom connu, c'est une adaptation un peu qui est pas forcément encore en production, etc. Et du coup, eux ils mettent de l'info par exemple dans le groupe Facebook et moi ça me permet de voir que je suis passée à côté. Ou alors ils me l'envoient directement, ça me permet de la publier, quoi. Donc tout se recoupe en plus, donc c'est cool. Oui, il y a un côté communautaire vraiment dynamique, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas comme le Messie que le Stephen King France fournisse l'info. Il y a ce côté dialogue, j'ai vu ça, etc., etc. Ouais, pas du tout. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que entre eux et moi avec eux, en fait, on est tous au même niveau. Alors forcément, moi j'ai l'information et j'ai la visibilité. Pour autant, j'ai pas l'impression d'être plus fan parce que moi, il y a des fans des fois que je rencontre, genre à des avant-premières qui vont me parler de telle nouvelle qui est parue dans tel recueil et elle faisait tant de pages et tout. Moi, il y a des choses comme ça que je suis incapable de ressortir parce qu'il y a même des nouvelles dont je me souviens plus. Donc, je suis juste un petit peu plus visible et c'est toujours intéressant de. En fait, c'est des gens qui sont très avides de l'avis des autres. Et il y a ce truc qui se crée tout le temps quand il y a un nouveau livre qui sort ou quand eux, ils trouvent un nouveau livre, soit en vide-grenier ou en librairie, ils demandent l'avis des autres, ils demandent mon avis et c'est hyper riche comme échange. D'accord, ouais, vous avez des échanges. Donc, autour des livres, après, on va y venir parce que moi, je connais évidemment moins bien tout ce qui est alors produits dérivés, je me suis bien tenue, j'en ai pas. Film, un peu moins. Par contre, les livres, ça a été... voilà, on va en parler après. Du coup, il y a des échanges aussi autour des livres et c'est pas juste j'ai vu telle édition collector de telle figurine au Japon, est-ce que je peux la trouver? C'est un côté vraiment partage, dialogue, un peu comme un book club, club de lecture et tout ça. Oui, il y a beaucoup de questionnements, il y a plusieurs étapes. Il y a soit je viens de l'acheter, qu'est-ce que vous en pensez sans spoiler? Et après, il y a beaucoup de publications qui sont je l'ai lu, j'ai bien aimé la fin, j'ai pas aimé la fin, à votre avis, comment vous interprétez tel passage et vous en avez pensé quoi, etc. En fait, tous les jours, il y a 4 ou 5 posts de personnes qui sont à tel stade de la lecture d'un roman, d'une nouvelle, d'un recueil, et qui demandent des avis, qui demandent des interprétations pour enrichir un petit peu. Et des fois, je me dis, est-ce que... Enfin, du coup, ça fait beaucoup de doublons sur la page, dans le sens où une personne qui vient de finir Cimetière, elle demande l'avis de la communauté. Si une autre personne, dans 10 jours, refinit Cimetière, elle redemande l'avis de la communauté. En fait, il y a tellement de monde qu'en plus, les avis peuvent changer avec le temps, les avis peuvent changer en fonction de ce que les autres disent. Donc c'est des discussions perpétuelles sur un peu les mêmes sujets, mais c'est hyper riche. Et ils sont, c'est marrant qu'ils soient aussi curieux d'avoir l'avis des autres. Oui, c'est Amusant. Parce que c'est hyper personnel, tu vois. C'est, tu lis un roman, tu l'as bien aimé pour telle et telle raison, et ce n'est pas forcément que tu vas aller chercher si les autres ont aimé. Mais en fait, il y a un esprit de communauté tellement fort chez les fans de King qu'ils ont besoin de partager ce qu'ils en ont pensé et de comprendre ce qu'ont pensé les autres et pourquoi ils ont pensé ça. Ouais, c'est marrant. Il y a un côté, ouais, comme tu dis, vraiment communautaire, ouais. Où il y a besoin de confronter un peu sa lecture à celle des autres pour... Ouais. C'est amusant, quoi. Et quel est le premier livre? Comment est-ce que tu es entrée sur le territoire de Stephen King? Tu as dit à jeune quand même, 11-12 ans pour King, c'est jeune. Mm. Comment et quel est le premier livre que tu as eu? Moi, je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune et j'aimais beaucoup les romans fantastiques. Et en fait, comme beaucoup de lecteurs et lectrices de King de mon âge, sachant que j'ai 35 ans, j'ai attaqué le fantastique par Les Chairs de Poule. Oui. Et Les Chairs de Poule, je les compare souvent au Harlequin, mais version horreur pour enfants, parce qu'en fait, tu les lis, c'est la même histoire avec les mêmes mécaniques et les mêmes stéréotypes de personnages, avec juste un décor différent, en fait. Mm. Et j'en ai lu beaucoup quand même, hein, j'ai dû en lire une quarantaine, et à un moment donné, je me suis lassée. Et ma mère a bien voulu, donc vers 11 ou 12 ans, quand on est allé faire les courses le samedi dans notre supermarché et que je suis allée au rayon livre, que je prenne deux King. À l'époque, j'avais pris La petite fille qui aimait Tom Gordon et Cujo. Et j'ai lu Cujo en premier parce que vu que j'ai peur du noir, je m'étais dit, je vais peut-être pas lire celui qui fait le plus peur en premier. Je vais un peu tâter le terrain, je vais me mettre dans le bain, je vais voir vraiment à quoi je peux m'attendre. Et j'ai lu les deux d'une traite et on y est retourné le samedi d'après. J'en ai racheté deux ou trois autres et c'est parti. C'était fini. Ouais, c'était fini. Mais surtout qu'en plus, à chaque fois que tu allais dans ta librairie ou dans ton rayon livre de ton supermarché, tu voyais cet auteur que tu aimais bien avec au moins 30 bouquins que tu n'avais pas encore lus. Tu vois, tu regardais dans les derniers qui étaient sortis la table des, enfin pas la table des matières, mais la liste, la bibliographie de l'auteur. Oui. C'est énorme. Et tu te dis, en plus, t'avais déjà des choses très différentes à l'époque. Donc, c'était vraiment, c'était quand t'es gourmand de lecture et que tu commences à découvrir un auteur et que tu te rends compte que tu l'aimes bien et que tu vois qu'il y a encore 50 romans à lire, tu te dis ouais, ok, je te suis, j'y vais. Ouais, c'est vrai que c'est un auteur, comme tu dis, hyper prolifique et en plus dans des genres, même si, d'accord, il est dans le genre horrifique, dans des sous-genres très différents avec des ambiances très différentes. King, on peut un peu même s'y retrouver, toujours s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Oui, ouais, je pense vraiment, surtout qu'il a quand même fait des recueils de nouvelles qui ont beaucoup de nouvelles et qu'en plus, vu que ça fait plus de 40 ans qu'il écrit, entre ce qu'il écrivait et ses préoccupations d'il y a 40 ans et ce qu'il écrit aujourd'hui et ses préoccupations de maintenant, en plus les thématiques changent en plus de la forme, je pense honnêtement que toute personne qui aime lire trouvera forcément une histoire de King qui lui plaira. Il n'y a qu'à voir la différence qu'on peut faire entre un Cimetière, un Shining et un La Ligne Verte ou même un Les Évadés, enfin qui est connu sous le nom des Évadés parce que c'est dans l'adaptation où il n'y a pas une seule part de fantastique. On se dit il y a forcément un King qui va plaire à quelqu'un un jour. Et quel est, parce que là ça m'intéresse aussi moi personnellement, parce que j'ai pas lu les King récents, j'ai dû arrêter, j'irais malheureusement de le lire il y a une quinzaine d'années. En partie à cause de... Après, ça, c'est un truc, j'aimerais vraiment parler avec toi, du mépris de la grande littérature pour la littérature de genre. Mais qu'est-ce qui différencie le King, on peut dire, avant les années 2000, du King d'aujourd'hui, de ce qu'il publie depuis 10-15 ans Déjà, c'est marrant que tu dises avant les années 2000, parce qu'en 99, il s'est fait renverser par un van pendant qu'il faisait sa balade quotidienne et il a frôlé la mort. Il est vraiment passé très, très proche de la mort. Et en fait, quand on lit un peu toute son œuvre, on se rend compte qu'il y a un avant l'accident et un après l'accident. Surtout les premiers romans après l'accident, tout est toujours très inspiré de ce qu'il vit et de ce qu'il voit. Donc, ils sont vraiment pleins de douleur parce qu'il a, il était accro à la cocaïne avant, il s'était sevré et là du coup il s'est retrouvé à prendre de la morphine, mais il a quand même énormément souffert, il a eu peur pour sa vie et du coup les romans après 99 sont peut-être un peu plus liés à sa vie personnelle et aussi, même si ça a toujours été un fervent militant contre la guerre au Vietnam, pour l'écologie, pour être taxé plus, ça se sent un peu plus après son accident quand même. On sent qu'il y a eu un tournant en disant il faut que je sois un auteur un peu plus engagé et que Même l'horreur est... Bon, l'horreur chez King n'est jamais gratuite. Elle est toujours là pour dénoncer quelque chose, mais c'est un peu encore moins gratuit. Et là, typiquement, les romans qu'il a sortis depuis 15 ans, les aspects horrifiques, c'est parce qu'il a besoin de mettre du fantastique, parce qu'il aime ça. Mais en fait, ça dénonce la société, les politiques d'immigration aux États-Unis, la politique environnementale, les mensonges du gouvernement. Ça dénonce un peu tout ça, quoi. Il est donc plus, ouais, tu pourrais dire plus politique, même si ses romans précédents étaient, on peut dire, plus sociaux. Si on essaye vraiment d'aller à l'emporte-pièce, il est un peu plus politique depuis son accident et son... Je crois que l'essai écriture, ou sur l'écriture, c'était après qu'il l'a écrit aussi. Ça a été un peu le... Ouais. S'il voulait transmettre et ne pas risquer de mourir sans avoir transmis un peu ses trucs, ses secrets. Ouais, parce qu'en plus, à la base, c'est un professeur. Et donc, il a vraiment ce truc de transmission, comme tu dis. Donc, je pense que oui, il y a eu de ça. Et en plus, il y a un peu de politique, un peu malgré lui, parce que il a un Twitter. Et sur Twitter, il prend beaucoup la parole sur la politique, surtout là, avec la gestion de la crise sanitaire qu'on connaît et avec Trump au pouvoir, etc. Il a beaucoup, beaucoup parlé de politique sur son Twitter. Et forcément, en interview, quand il fait la promo de ses livres, il en parle aussi. Il explique qu'en fait, il n'écrit pas des livres pour parler de politique, mais vu que c'est quelque chose qu'il touche, forcément, à un moment donné, ça transparaît. Et donc, dans ses romans, il ne peut pas s'empêcher de tacler Trump. Et évidemment, qu'en le lisant, on comprend aussi un petit peu de quel bord politique il est et un peu le fond de sa pensée et de ses convictions, parce qu'il a tendance à dénoncer. Mais ça, je pense que c'est un peu plus récent. Quoique non, j'allais dire, ça fait une vingtaine d'années. Et oui, en fait, son accident, il a 22 ans. Donc, donc c'est ça. Voilà. Ça colle. ça reste cohérent, oui, par rapport. Oui, c'est ça, ça reste cohérent. Si on fait les maths, on est OK. Et pourquoi, alors cette grande question qui m'obsède, pourquoi est-ce que Stephen King est encore considéré comme un écrivain un peu secondaire, alors déjà stylistiquement, il est quand même à un niveau à la fois très accessible et très correct. Ouais. Au niveau de ses thématiques, il y a tout un éventail. On pourrait passer des heures à parler des thématiques qu'il aborde et du regard social qu'il porte sur la middle class américaine. On peut parler de son regard sur l'enfance, du rapport entre enfant et adulte. Enfin, un éventail immense, mais on considère que Stephen King, dans l'univers un peu littéraire ou auprès de la part des gens qui experts en littérature, que c'est soit une lecture d'ado, soit une lecture d'été, ou au pire une lecture de gens qui ne lisent pas. J'avais un élément de réponse qui me venait, mais qui n'est même pas une réponse satisfaisante, parce qu'il a beaucoup été adapté. Et forcément, quand on adapte, on fait des raccourcis. Les raccourcis qui sont souvent faits, c'est plutôt que prendre la profondeur des personnages et du contexte, on prend le côté horrifique en oubliant la métaphore qu'il y a derrière. Et le meilleur exemple, c'est Shining, en fait. Shining, le roman, c'est un drame social sur un écrivain raté qui bat sa femme et son enfant. Et puis le Shining, le film de Kubrick, c'est un auteur un peu raté aussi, mais qui est dans un hôtel hanté, quoi, en fait, et qui est possédé par l'hôtel. Et la différence est là. Après, je me dis, si on méprise un peu ce que fait King parce qu'on se base uniquement sur ce qui est fait au cinéma, ça veut dire aussi qu'on méprise le cinéma de genre, ce qui du coup n'est pas une réponse satisfaisante du tout. Honnêtement, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il publie beaucoup, est-ce que c'est parce qu'il est très populaire dans le sens il vend énormément, je ne sais pas. Et je suis aussi atterrée que toi de constater, ça bouge un peu ces dernières années. Oui. Typiquement, le magazine Lire, ils l'ont longtemps boudé et ils ont fait il y a 2 ans, après, oui, forcément, il y a 2 ans, en fait, quand est sorti le deuxième chapitre de ça, vu que le premier a pété tous les records, là, je parle d'adaptation, le premier avait pété tous les records, donc quand le deuxième est sorti, tout le monde a commencé à faire des émissions sur King, à faire des hors-séries spéciaux sur King dans les magazines, il n'y avait que ça partout, on n'entendait parler que de ça, et Lire, forcément... Après, être rentré dans la brèche à savoir si est-ce que c'était sincère ou pas, je sais pas, mais ils ont le mérite de faire un édito sur un hors-série spécial King en expliquant que longtemps ils l'avaient boudé, longtemps ils l'avaient jugé, et qu'en fait c'est un très bon auteur et ils sont désolés, donc du coup ils font un hors-série machin. Après, ce phénomène, la question que je me pose, c'est Est-ce que c'est autant le cas dans d'autres pays? Est-ce que c'est purement français d'essayer de prendre de haut des trucs comme ça et de vouloir créer une élite dans tous les genres d'art possibles et de mépriser un petit peu ceux qui ce qui est un peu plus populaire et un peu plus en dehors des codes? Ou est-ce que c'est comme ça partout, quoi? J'ai souvent des écrivains américains qui, en tout cas, citent Stephen King comme étant, quand je les interviewe, sur leur inspiration ou ce qui a été le déclencheur de leur envie d'écrire, et spécifiquement dans la nouvelle, puisque je ne parle pas de littérature fantastique plus que ça, ça m'arrive de temps en temps, mais ce n'est pas une spécialité, ouais. Même si c'est un goût très sûr depuis très longtemps. Ils citent Stephen King de la même manière que des auteurs français pour citer un grand auteur français inspirant. Il y a vraiment quand même ce rapport où ça a l'air naturel pour beaucoup d'auteurs américains de dire oui, c'est Stephen King qui m'a donné envie d'écrire et c'est sa manière de construire des nouvelles, son regard social. En tout cas, voilà, ça se cite, en tout cas chez des auteurs américains, ils ont l'air plus détendus. Ouais, ouais, franchement, si j'arrivais à identifier quel est le souci de la France à ce sujet, je mènerais un combat, mais je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est pas parce que les gens se contentent des adaptations qui sont très raccourcies et qui du coup mettent pas en lumière l'auteur qu'il est? Peut-être. C'est peut-être ça le souci, c'est de pas essayer d'aller chercher plus loin que les téléfilms qu'on a eu sur M6 quand on était jeune, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est pas un peu réduit aussi à ça, tu vois, les Tommy Knockers, les Langoliers, c'est quand même pas ouf, hein. Fou, donc, c'est peut-être ça, ouais. Ce serait de la part, si jamais c'est une des raisons, ce serait encore pire parce que c'est un cruel manque de curiosité et c'est de pas avoir cherché à approfondir un sujet qui est quand même universel. Mais alors après, ça peut être, oui, mais il plaît à tout le monde, donc forcément, il ne peut pas plaire aux spécialistes. Mais là, ce serait un problème très français. Oui, ouais, non, je pense qu'il y a un côté aussi très français au problème, quoi. Oui, même si il y a quand même en plus de belles éditions, des coffrets pour l'aspect un peu, on va dire, la forme, ce sont quand même de beaux ouvrages. Et dans le fond, c'est plutôt bien traduit. Il n'y a pas justement des facilités qu'on peut trouver malheureusement parfois dans la littérature de genre qui va être traduite un peu à la va-vite. J'ai l'impression. En vrai, si. Si. Il y a un peu des soucis. Ouais, si, il y a un peu des soucis de traduction. Et alors, pour la défense des traducteurs et traductrices, c'est uniquement parce que les éditions, pour des raisons qui m'échappent, ont réduit les délais de parution et payent beaucoup moins bien qu'avant les personnes qui traduisent. Donc, il y a beaucoup de coquilles, il y a des approximations. Sur des anciennes éditions, il y a quand même des traductions qui sont extrêmement problématiques parce que ça prête des propos à des personnages avec des intentions qui sont complètement différentes en fonction si c'est de la VO ou de la VF. Et même des descriptions un peu sexistes de jeunes filles qui sont pas du tout sexistes en VO. Et limite pédophiles, hein, parce qu'on est vraiment sur la description d'une petite fille de 14 ans qui est en VO et normale et en VF va mettre des adjectifs un peu dérangeants pour une petite fille de 14 ans, tu vois. Il y a beaucoup de... Alors, un peu moins dans l'intention, un peu moins les dernières années. Mais déjà, il y a ce souci des éditeurs qui font plus l'effort de bien rémunérer les personnes qui traduisent. Parce que ça, moi, j'ai aucun doute sur la capacité des personnes qui traduisent. Mais si derrière, on ne leur donne pas le temps, les moyens, on ne permet pas à des personnes de prendre le temps de relire aussi et de rechecker des choses, forcément, il y aura des erreurs et des fautes. Il y a aussi un côté très compliqué, c'est que King, son univers est complètement connecté. Donc, tous ses romans, toutes ses nouvelles se font référence quasiment. Et du coup, quand c'est deux personnes différentes qui traduisent deux histoires qui se font référence, pour peu qu'ils soient amusés à inventer un langage, on va pas retrouver, on va louper quelque chose en fait. Je l'ai vu, alors je m'en suis rendu compte justement très récemment. On a enregistré la semaine dernière avec le roi Steven notre épisode sur la nouvelle Le Radeau. Et en fait, Le Radeau, elle est connectée à deux autres nouvelles du même recueil parce qu'il y a la même phrase qui se répète. Mais elle se répète en VO, elle ne se répète pas en VF. Ah, ça, c'est dommage. Donc, tu le perds en VF, tu perds la connexion entre les trois, alors qu'en VO, c'est vraiment la même phrase qui se répète. Mais parce que du coup, dans un contexte différent, en VF, ils l'ont traduite un peu différemment. Tu vois, donc, il y a des choses comme ça qui sont un peu dommages et qui ne sont pas non plus extrêmement dérangeantes. Oui, c'est vrai. Plus maintenant, en tout cas, quoi. C'est un peu dommage vu que Stephen King n'est quand même pas publié par le plus petit éditeur de la plus petite maison d'édition indépendante en France. On ne va pas les citer, mais tout le monde sait qui c'est. quand même un très gros groupe, donc on pourrait ouais. s'attendre à ce qu'ils mettent les moyens et offrent justement à leurs traducteurs, parce que à leurs lecteurs, un certain confort de travail puis de lecture, quoi. C'est quand même un... Ouais, surtout que moi j'avais fait un... En fait, c'est grâce au groupe Facebook que je gère en plus de la page, donc la communauté des fans de Stephen King. C'est eux les premiers qui ont commencé à remonter des erreurs de traduction. Et en fait, à force d'en voir, je me suis dit, il faut aller chercher, il faut fouiller un petit peu. Donc, j'avais fait un article. Et l'article, il est sur le site. Il est tombé entre les mains de Gorian Delpature, qui est un journaliste en Belgique, qui a lui-même fait un article dessus et qui allait interroger des traducteurs, traductrices et qui a demandé à interroger l'éditeur en question, qui n'a jamais voulu répondre aux questions. Alors, on a l'impression qu'on est sur un secret d'état de malade. Ouais. Et en fait, juste la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour que la traduction, les traductions soient d'aussi mauvaise qualité, et en plus pourquoi, vu que nous on le fait le travail de relever, enfin les fans ils relèvent toutes les même une coquille ou une faute de date ou quoi, ils le relèvent, et il suffirait qu'ils me disent ben à chaque nouveau livre tout ce que tu vois tu nous le fais remonter, et comme ça à la prochaine réimpression on aura corrigé. Maintenant là en fait on a des bouquins qui ont été traduits il y a 30 ans, qui ont des erreurs énormes, ou par exemple juste dans ça, qui est quand même sorti, il est sorti il y a 30 ans. Oui. À un moment donné, le traducteur se trompe de prénom. Donc, tu as un échange entre Ben et Bev qui se transforme en un échange entre Bill et Bev et qui repasse à un échange entre Ben et Bev. Et c'est juste une erreur de traduction. Oui, enfin, voilà, c'est et le truc est sorti il y a 30 ans, quoi. Ben ouais, ils ont ressorti des éditions limitées, des recueils, enfin et ça a pas été corrigé? Des collecteurs, des boîtiers. Ben non. Pourquoi, tu vois, ça doit pas être si compliqué que ça de modifier le fichier qui part à l'impression, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. Oui, surtout tant qu'à faire, c'est vrai que moi j'ai vu là les coffrets limités avec des couvertures gaufrées qui limitent un petit peu les éditions anglo-saxonnes. Bon, on voit qu'il y a ils se font plaisir visuellement. Voilà, ça a un coût quand même, une couverture brillante gaufrée, tant qu'à faire. Peut-être un petit passage. Mais bon, bah ouais. C'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. C'est des petites frustrations de fan. Quoi, t'aimes bien que tout soit parfait, c'est un peu frustrant. Même, je pense que plus ou moins que fan, quand on apprécie sans être pointu et pouvoir faire la différence entre l'édition de tel texte et tout, on apprécie d'avoir un texte qualitatif, même quand on lit pas Proust à la Pléiade, un Stephen King à la plage, même voilà, on peut apprécier que ce soit bien traduit et qu'on change pas de prénom. Ouais. Sans raison. Moi, ça m'a poussé à lire en VO, notamment ce que je te disais, les soucis d'interprétation, où le mot est un peu fort, mais j'ai eu l'impression d'être trahi, parce que moi, ce que je veux lire, c'est du King, et j'ai pas envie de lire. Pour moi, le travail de traducteur est censé vraiment être que de la traduction et pas de la réinterprétation. Ça, c'est le travail d'une adaptation, tu vois. Ils ont qu'à écrire un scénario. Et donc, du coup, j'étais un peu déçue de me dire, il y a peut-être des choses que j'ai perçues différemment de la façon dont lui l'a écrite, parce que son intention a été mal traduite, quoi. Donc, du coup, maintenant, je le lis en anglais. Tant pis. Donc, je mets 8 ans à lire un bouquin, mais moi, je le lis en anglais. Quel est ton livre, si jamais c'est possible, ton livre de Stephen King préféré? Ah oui, moi j'ai une histoire, c'est une nouvelle, c'est qui s'appelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui est la nouvelle qui a donné le film Les Évadés. D'accord. Qui pour moi est vraiment... je pense que j'y suis attachée parce que c'était mon film préféré quand j'étais petite, avant que je me rende compte que c'était que la personne qui l'avait... Que c'était l'adaptation d'un auteur que j'adorais. En fait, un jour, j'ai fait la connexion quand j'étais en train de lire la nouvelle en me disant « Attends, je connais. » Et donc, c'était ça. Mm-hmm. Et je pense que c'est... parce qu'en plus, j'y suis attachée parce qu'elle montre... pour moi, c'est un des meilleurs exemples qui débunk un peu l'étiquette que je déteste de King, maître de l'horreur, quoi. Et que c'est le meilleur exemple pour dire, en fait, non, regarde, il met un personnage dans un contexte horrifique, parce que là, on est quand même sur un homme qui est en prison, et où on comprend, on se doute assez tôt d'un peu de l'injustice de cet emprisonnement. Et en fait, qu'il y a un contexte fantastique ou pas, qu'il y ait des monstres ou pas, qu'il y ait du sang ou pas, le sujet chez King, c'est tel personnage, dans tel contexte, comment il agit. Et c'est la façon la plus pure qu'il a trouvé de le faire, parce que là, pour le coup, tu mets un homme en prison, tu as un quasi huis clos, tu n'as pas d'éléments fantastiques, donc c'est le meilleur exemple de ce qu'il sait faire de mieux, quoi. Oui, un anti-usage presque de son étiquette. Oui, ouais, complètement, complètement. Et quel livre est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, bon, est pas totalement hermétique à ses univers, parce que sinon ça sert pas à grand chose, mais qui voudrait lire Stephen King et qui, justement, devant l'ampleur de sa production, avec les sagas, les nouvelles, les romans adaptés, ceux pas adaptés, ouais, par quoi commencer? Alors, il y a deux. Soit on me laisse vraiment le champ libre. Et en général, j'aime bien conseiller Shining pour ce que je te disais tout à l'heure, où quand quelqu'un a l'adaptation en tête, c'est hyper intéressant de lire le roman parce que du coup, ça fait ressortir un peu plus tout ce que Kubrick a loupé. Après, oui, c'est un choix. Hein. Je trouve que c'est pas une bonne adaptation, mais parce que c'est mon avis. Après, c'est un très beau film. Et du coup, ça met un peu plus en exergue les profondeurs de l'histoire et les traumas et les démons des personnages qui sont des démons intérieurs. Sinon, après, ça dépend de ce que les gens aiment lire en général. Si ce qu'ils aiment, c'est la fantasy, il faut lire La Tour Sombre. Mais par contre, c'est sept tomes, donc il faut... faut s'accrocher quand même. Ouais, il faut un peu s'accrocher, mais c'est une épopée incroyable. Si on aime plutôt le polar policier, il faut partir sur Mister Mercedes, qui est sans doute une des meilleures choses qu'il ait écrites ces 20 dernières années. Tu vois, si on est plutôt... roman un peu qui soit une peinture de l'Amérique des années 70, il faut lire 22 63, tu vois, il y a des, parce que qui est pas vraiment fantastique, qui est pas non plus un policier, qui a une belle histoire d'amour dès le début et tout, tu vois, il y a des, en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vu que il écrit tellement de choses différentes, il y a toujours un King qu'on trouvera pour quelqu'un. Mais là, si les gens savent pas par quoi commencer, en vrai il faut lire Shining. En plus, il est pas très long. Oui. Parce qu'il écrit des gros pavés, c'est loin d'être un de ses plus gros, donc il est à lire, il est vraiment incroyable. J'avais pris une grosse, grosse claque, et j'avais pris aussi une claque quand j'avais lu Misery, même en connaissant l'adaptation de Rob Reiner. Ouais, la description de la douleur dans ce roman est plus douloureuse que n'importe quel marteau dans le genou, c'est un enfer, c'est horrible. Oui, en fait, tout ce que tu viens de dire, qu'en fait, là, par les qualificatifs que tu as employés, c'est que Stephen King écrit tout sauf de l'horreur pure. Si on veut un petit peu troller les gens qui nous écoutent. Ben ouais, écoute, des fois, on nous demande, quand je dis nous, c'est avec le roi Steven, parce qu'on a une session de questions à la fin. Et il y a souvent quel passage vous a fait le plus peur, quel roman vous a fait le plus peur. Et en fait, Moi, je suis pas sûre. J'ai lu des livres qui m'ont fait peur, mais c'était pas des livres de King. Mmh. Je suis pas sûre d'avoir vraiment eu ce truc où je suis cachée sous ma couette. S'il y a un passage dans Le Fléau où vraiment ça me met pas bien à chaque fois, parce que en fait, il traverse un tunnel dans le noir et il y a des bruits dans le tunnel, mais parce que j'ai peur du noir, tu vois. Oui. Sinon, en dehors de ça. Déjà, c'est pas un auteur à suspense, parce que quand il écrit, il a pas de plan. Donc, il n'y a pas ce truc où il va essayer de traîner une intrigue et traîner un suspense pour arriver là où il veut arriver, parce que lui-même, il ne sait pas où il va aller. Et non, moi, j'ai pas l'impression qu'il est... Alors que je suis très facile à traumatiser, hein, il ne faut pas croire. Je suis très, très sensible sur ces sujets-là. Et j'ai pas de souvenir de vraiment avoir tremblé chez King, ou alors... J'ai tremblé par des contextes particuliers, avec des histoires de viol qui me touchent parce que je suis une femme ou ce genre de choses, tu vois. Oui. Oui, ça fait, c'est plus les peurs qu'il met en scène qui viennent faire écho à nos propres peurs et nos propres limites, nos propres, voilà, tu disais j'ai peur du noir. Oui, bah, tu peux rien d'avoir peur du noir, et même si la scène n'est pas horrifique, ça te fera peur. Tandis que si tu n'as pas c'est peur des clowns, ouais, bon, bah, tu n'auras pas forcément en PLS en lisant ou en voyant ça, quoi. Oui, et du coup, c'est sa grande force, c'est qu'en fait, il va chercher l'horreur du quotidien. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement crédible, même quand ça part vraiment fantastique, c'est crédible, parce que tu regardes, enfin, quand même, quand tu lis ça, même si t'as pas peur des clowns ou des bouches d'égout, tu regardes quand même les bouches d'égout d'un autre œil pendant quelques semaines, le temps de digérer ta lecture, tu vois, tu te dis, potentiellement, si j'entends un rire, je cours, parce que bon. Bah, ouais, c'était la couverture de Sage, qui est donc, j'avais 7 ans quand elle est sortie. Ouais. Et j'ai vu la couverture avec ce clown, c'était la première traduction française, qui était quand même assez trash au niveau de l'illustration. Oui, hein. Je l'avais donc pas lu à 7 ans, j'ai gardé une peur des clowns, et une méfiance envers les bouches d'égout toute ma vie. Ouais. À cause juste de l'idée. Donc, c'est quand même assez amusant comment ça vient s'ancrer. Oui, parce que c'est les clowns et les bouches d'égout, c'est dans ton quotidien, quoi. Tu vois, c'est ça en fait. Il prend des choses qui sont plausibles. C'est pas de la SF, donc c'est plus facile en plus de se projeter dans les mondes fantastiques qu'il crée parce qu'ils sont toujours intimement liés à l'époque. Tu vois, parce que lui, il s'inspire de ce qu'il a autour de lui. On a pu reprocher. Je suis assez d'accord, et lui aussi le dit, qu'il est les 20 premières années des romans relativement sexistes, ou en tout cas pas bien représentatifs de ce que peut être la femme, et il y a aussi très peu de diversité, il y a peu d'homosexuels, il y a plus de noirs, il y a peu... C'est très blanc de l'Amérique du Nord. Et en même temps, c'est parce que, une fois de plus, il écrit sur ce qu'il voit, sur ce qu'il connaît. Et le Maine, alors surtout il y a 40 ans, c'était très blanc, c'était très patriarcal, c'était très... Voilà. Et du coup, lui, il fait avec ce qu'il sait, il fait avec ce qu'il connaît. Donc, ça rend forcément... Ça donne beaucoup de force et beaucoup de relief à tout ce qu'il écrit. Après, oui, les défauts de la société d'aujourd'hui sont aussi... se voient un peu plus. Et il fait des efforts, il met de plus en plus de couples lesbiens sans forcément que ce soit le cœur du sujet, parce que pour dire oh, regardez, j'ai mis un couple lesbien, il s'en sort plutôt bien. Il est moins sexiste parce qu'il a sa femme aussi derrière qui relit et qui, à mon avis, l'a aidé à faire beaucoup d'efforts sur le sujet. Donc c'est un peu mieux quand même aujourd'hui. D'accord. Bon, bah c'est une bonne aussi, ça peut être une bonne entrée dans son univers de faire à rebours en lisant les écrits plus récents. Et quel est, pour finir, ton rêve kingesque, entre guillemets, le plus fou ? Un truc vraiment... Ah, je ne sais pas, parce qu'on dit souvent le plus fou. Qu'est-ce qui pourrait être fou ? On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Et je l'ai vu une fois, je n'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup lui parler. Et l'an dernier, je devais aller aux États-Unis, je devais aller dans le Maine pour vu qu'il s'inspire en fait de son quotidien, on sait par exemple tel cimetière a inspiré telle histoire et telle ville, c'est la copie de ce qu'il a mis, la ville fictive qu'il a dans tel roman et tout. Donc moi, je devais y aller, mais forcément, ça a été annulé parce que, comme qui dit, un petit virus qui a un peu chamboulé les plans de tout le monde, j'ai trois fois rien, hein. C'est pas grave, j'irai une autre fois. Et j'avais demandé à pouvoir l'interviewer. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un de tellement discret et de tellement pas intéressé par la célébrité, c'est pour ça qu'il a fait une seule tournée promo en France de toute sa vie. Il est resté 4 jours, tu vois. C'est que rien que de m'imaginer pouvoir aller chez lui et échanger 3 mots avec lui pour lui poser les 2 pauvres questions que j'arriverais à babiller à ce moment-là. Rien que ça me paraît fou, tu vois. Rien que parce qu'en plus, tu sais, c'est pas c'est marrant parce que les gens peuvent avoir en plus ce cliché, vu que c'est un auteur à succès, qui se fait forcément un max de thunes parce qu'il sort 2 romans par an, qui à chaque fois sont des best-sellers, et qu'il a des adaptations dans tous les sens, qui fonctionnent plus ou moins bien en box-office, mais quand même, et qu'on nous ressort des DVD, des anciennes adaptations qui, eux, se vendent vachement bien et tout. On imagine que du coup, il a une vie incroyable à Hollywood. Et en fait, non, c'est un habitant du Maine qui a 73 ans, qui va faire ses courses, alors certes en Tesla. Il a une maison dans le Maine. Il a une maison en Floride, comme tous les retraités, parce que le Maine est trop froid, donc il va en Floride pendant l'hiver. Et c'est tout, en fait. Et ça ne l'intéresse pas. À chaque bouquin qui sort, il fait les 2 mêmes plateaux télé où ça dure 4 minutes à chaque fois. Il fait une interview pour Variety, une interview pour Rolling Stones. Et c'est tout. Ça ne l'intéresse pas, tous les médias et tout. Donc rien que ça, de se dire, de pouvoir rentrer chez lui et le rencontrer, ça paraît tellement loin parce qu'il est lui-même tellement éloigné de tout ça. Oui, c'est quelque part, c'est doublement fou puisque c'est pas une star avec l'interview minutée, tant de journalistes, etc. C'est certes un des plus grands écrivains encore vivants, mais c'est aussi un monsieur, comme tu viens de le dire, l'américain moyen, un peu fortuné au du panier, mais voilà. Bon, effectivement, il a une Tesla, une maison en Floride. Mais voilà, mais qui va sur Twitter pour râler en plus, tu vois. Enfin, son Twitter, soit il dit les bouquins qu'il a bien aimés, ou soit il râle sur le gouverneur du Floride, sur la gestion de la crise, sur les gens qui portent pas de masque, sur les gens qui se font pas vacciner, tu vois. C'est, il est comme nous, quoi. Il va sur Twitter pour râler. Il écrit, en tout cas, je parle en ce qui me concerne, mais peut-être un petit peu mieux. Je vais pas dire que nous, mais que quelques... Écoute, mais sait-on jamais, hein. Il ne faut pas faire d'échelle de valeur. Il a le mérite d'être connu. C'est voilà. Ça. En tout cas, c'est tout. Enfin, j'espère que ce sera quelque chose que tu pourras faire et, merci. Et faire le petit parcours et l'interview. Et en attendant, je te remercie beaucoup pour ce temps, cet échange. Et, merci à toi. De Stephen King, donc avec il y aura tous les liens dans la description. Merci beaucoup. C'est gentil. Émilie. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.